se pep li se ou men. Ma pwande si se yon lwa naturel sa ye, ou si se nan ras pou soti a men sa loje. Servir les hommes d'accord, puis tu vas payer ou lier ni avec.